Dossier 2, page 29, activités 4, 5 et 6. Antoine Lee est avec nous, vous le connaissez bien sûr, vous connaissez ses reportages. Pour une fois, vous êtes en direct avec nous en studio, Antoine, puisque vous avez testé un certain nombre de produits anti-ronflement. Et résultat, on va l'entendre. Antoine, ça va, ça n'a pas été trop douloureux quand même ce test? Non, ça a été, mais en fait, je l'ai testé pour vous parce que je suis victime d'un problème qui touche près d'un Français sur 5. Ouais. Oui, voilà, donc... C'est vous, mais ça pourrait être nous, hein. Beaucoup de gens dans l'équipe ronflent exactement comme vous, Antoine. Exactement. Si ça peut vous déculpabiliser, hein. Et donc, alors, pour remédier à ce problème, j'ai voulu trouver un produit miracle. Et pour ça, je me suis rendu dans une pharmacie parisienne où j'ai demandé s'il était possible de régler ce problème. Je vous propose d'écouter. Bonjour, je vais vous voir parce que j'ai des gros problèmes de ronflement et je voudrais un produit radical, quoi, qui pourrait me faire partir ça rapidement. Vous avez ça, ce produit-là qui est nouveau, donc qui va agir au niveau nasal et au niveau buccal. Ouais. Deux actions en même temps, et c'est un bon produit, donc c'est le gros ronfleur. Et c'est efficace. Ah oui, c'est efficace. Parce que bon, Après, je vous dis franchement, si vous avez un problème de cloison au niveau du nez, déviation de cloison, si vous avez des problèmes comme ça, ça ne marchera pas. Hein. Ça, quand je fais vieillir, je respire bien, donc je pense pas que ce soit ça. Après, si ça ne marche pas, c'est que vous avez vraiment un problème à ce niveau-là, et que là, il n'y a qu'un médecin qui pourra. Mais en tout cas, ça l'atténuera, ça c'est sûr. Maintenant, je vous dis. En combien de temps? Ah, c'est un enfin, faut le faire juste avant de coucher, hein. C'est pas un. Mais si je le mets ce soir, ça marche tout de suite ou Ah, oui. Ah ouais. C'est pas un traitement de fond à long terme, hein. C'est un traitement instantané. D'accord. Ça coûte combien? Il fait 19,90. Et c'est quoi? C'est un spray? Je peux voir comment quoi ça ressemble? C'est un spray. Ah, il y a buccal et nasal. Voilà. Mais c'est avec la même bombe. Comment? C'est avec la même bombe. Oui, exactement, mais d'accord. Vous avez deux embouts. Ça marche comment? Sur la gorge, ça lubrifie la luette, si vous voulez, pour éviter les frottements en fait, hein, de l'air. Et au niveau du nez, ça dégage les voies respiratoires. C'est pas un traitement, ça traite pas, ça c'est sûr. Hein, mais de toute façon, il n'y a rien qui traite, hein, le ronflement, à part la chirurgie, il n'y a rien qui traite. Hein. Donc je peux pas vous garantir que vous n'allez plus ronfler du tout, mais ça va diminuer, c'est sûr. D'accord. Voilà. Si vous me dites que ça marche. De toute façon, il faut essayer. Hein. Je vous dis, c'est pas comme une maladie, on sait que telle molécule va traiter cette maladie. Ouais. Là, il faut essayer. Mais ça a été testé en laboratoire? Ah oui, bien sûr, oui. Bon, je vais essayer. Hein. Merci. Voilà, merci. Si ça marche pas, je viens vous voir. Oula. Bon, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon, alors Antoine, vous voilà donc reparti avec vos deux boîtes. On va démarrer par le premier produit. Il s'appelle Silence. C'est le produit qui se vend le mieux. Hein. Je crois que c'est 60% des parts de marché. Ça se vend très, très bien. Alors, vous l'avez testé? Voilà, je l'ai testé, rempli d'espoir. La pharmacienne me l'avait indiqué, a priori, en 24 heures, mon problème de ronflement disparaîtrait. Donc, alors, j'ai demandé à ma femme de prendre mon micro numérique, mon magnétophone numérique, pour m'enregistrer. Et voilà, j'ai testé ce produit, j'ai bien suivi les instructions et voilà le résultat.